Zénia à la prod, mon frère. Lundi, je compte mes euros, je marchais dans la hure. Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure. M'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure. Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue. Le cœur est blanc, foulec, bellec au trou de boulette. 9 milli et fenu, bellec au trou de boulette. Je baisse la vitre, signe de tête pour qu'elle monte. Je parle pas trop, je monte la montre pour qu'elle monte. Lunettes noires, teintes et gros, je suis les ouais. Othello, j'ai tué la belle vélélé. Toujours un connard pour me le rappeler. Mais sans oseille, tu baisses pas, tu peux que te branler. Lundi, je compte mes euros, je marchais dans la hure. Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure. M'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure. Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue. Premier de la compétition, 21 ans que je les baise. Plusieurs centaines de milliers d'euros, le petit poil là qui pèse. Faut que maîtrise les éditions, c'est pas une réédition. Je me sens mal dans l'émission, ça me rappelle l'OPJ et ses questions. Ton cul répète ce que je fais comme des perroquets. Si tu m'entends tes sons, nous on adhère pas. Je flotte dans la main gauche, j'ai mon terre au bœuf. C'est le blondinet qui nique la mer au rap. Lundi, je compte mes euros, je marchais dans la hure. Un de mes anciens bolos qui tapait dans la pure. M'a rappelé une fois où je lui avais ramené de la dure. Il s'en est jamais remis, m'a dit que c'était un truc de dingue. Lunettes noires, teinte et gros, je suis les ouais. Othello, j'ai tué la belle vélélé. Toujours un connard pour me le rappeler lélé. Mais sans oseille, tu baisses pas, tu peux que te branler lélé. Lunettes noires, teinte et gros, je suis les ouais. Othello, j'ai tué la belle vélélé. Toujours un connard pour me le rappeler lélé. Mais sans oseille, tu baisses pas, tu peux que te branler lélé. Dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue, dingue,